D'après Lyonnam News de Corée du Sud, le syndicat de métro de Busan a livré le 21 courant la grève pour le retrait du régime d'empantement en cause adopté par les autorités dans le cadre de la lutte du milieu ouvrier pour le droit à l'existence. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen Minplus, la direction de lutte Peng Nam-gi s'est engagée depuis le 16 octobre à la collecte de signatures pour l'introduction de l'enquête spéciale en faveur de l'éclaircissement du dessous de la violence faite aux paysans Peng Nam-gi et de la punition responsable.